Ce vendredi à la vie en BD, première édition de nos coups de cœur 2014. Bonjour, bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Un plaisir évidemment de vous retrouver après quelques semaines de pause pour le temps des fêtes. On espère évidemment une période de faste de votre côté. Évidemment, on ouvre aussi avec une semaine assez triste, voire tragique, pour le monde de la BD autant que pour le monde du journalisme en général, avec ce qui s'est passé du côté de Charlie Hebdo. On y reviendra d'ailleurs dans quelques instants avec Stéphane Gravel. Et sinon, la balance de l'émission de cette semaine sera consacrée à nos coups de cœur BD 2014, à ceux également de collaborateurs, à ceux de collègues. Alors, on va aller chercher quelques idées, toujours pour s'inspirer. Peut-être qu'on a échappé des titres fort intéressants au fil des dernières semaines. Peut-être qu'on a envie de remplir par le meilleur de 2014, ce début d'année où la nouvelle production est toujours assez lente à se faire connaître, à venir à nous. Alors, c'est ce qu'on fera cette semaine, c'est ce qu'on fera également la semaine prochaine. Alors, cette semaine, ce sera les coups de cœur BD de Jean-Dominique Leduc, qui est journaliste BD au Libraire et aussi au Journal de Montréal. Ce sera celui de Michel Giguère, qui est animateur des rendez-vous de la bande de dessinée, la BD, à la bibliothèque Gabriel Roy. Et ce sera celui également, en première moitié, de Pierre Blais, qui est journaliste BD à CKRL 89 ans, en plus de s'intéresser à plein d'autres spectres au sein de ses activités professionnelles. Alors voilà pour le menu de cette semaine. Et en musique, eh bien, ce sera la formation Yoke, avec leur album Harlock, tiré de l'étiquette 8-Bit People, qui nous accompagnera au fil de l'heure dédiée au 9e art qu'on partage ensemble. Et oui, dans l'actualité, on le mentionnait d'entrée de jeu, et je pense que c'est physiquement impossible de manquer d'échapper cette nouvelle. Ça fait tous les médias, tous les journaux depuis déjà plusieurs jours, et avec raison. Pour rappeler les événements, fait Walensky, Cabu, Tignou et Honoré, qui figurent parmi les 12 victimes d'une fusillade éclatée dans les locaux du magazine Charlie Hebdo à Paris. Une tuerie perpétrée mercredi 7 janvier au siège du journal par deux hommes armés qui se réclamaient du prophète Mahomet. Et évidemment, ces personnes ont été attrapées aujourd'hui, d'ailleurs, du côté de la France. Bon, pour se rappeler un peu les auteurs, donc Walensky, qui a publié ses premiers dessins dans Rustica en 1958, avant de participer à la fondation du magazine Rakiri, la première mouture de Charlie Hebdo et de la deuxième également, Grand Prix en 2005 au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et Cabu, qui publie ses premières illustrations en 54 dans l'Union de Reims, qui évidemment a donné plusieurs personnages au fil des années, participé notamment à Pilote, a intégré Charlie Hebdo en 1970. Charb également, qui travaille pour l'hebdomadaire satirique La Grosse Bertha en 91, avant de suivre Philippe Valt et Cabu pour relancer Charlie Hebdo, deuxième mouture. Il devient directeur de la publication en 2009. Et Philippe Honoré, Honoré Dionoré. Lui publie ses premiers dessins dans Sud-Ouest. Il intègre la rédaction de Charlie Hebdo en 92, publie également dans Libération, Le Monde, Lire, Les Inrecuptibles, etc., etc. Et enfin, Tignou, qui lui est un pilier de Charlie Hebdo, collaborait également à d'autres magazines de leur côté. Donc, cinq dessinateurs, donc, qui ont perdu la vie, sept autres victimes également. Et, évidemment, la question, c'est de voir quel regard porter, quelle analyse faire de tout ça, quels souvenirs peut-être garder autour de ça. Et évidemment, on a vu dans l'actualité, je pense, une quantité assez importante, justement, d'hommages, de regards, de pensées, de réflexions. Et un de mes collaborateurs qui avait envie de partager la sienne également, il s'agit de Stéphane Gravel qui est avec nous au bout du fil. Stéphane, bonjour. Bonjour, bonjour. Et Stéphane, de ton côté, ton souvenir, c'est un peu un moment croqué en compagnie justement de l'équipe de Charlie Hebdo. Il y a quelques années, t'avais carrément passé du temps avec eux, t'avais participé à une réunion de production du journal, etc. Écoute, on est déjà... C'est fou comment l'actualité va vite et comment tout roule, là. On est déjà... j'ai comme l'impression qu'on est déjà comme loin de l'événement qui s'est passé en milieu de semaine quand des terroristes sont entrés chez Charlie Hebdo et ils ont fusillé les membres de la rédaction. Écoute, moi, c'est quelque chose qui m'a touché énormément. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai voulu en parler, parce que c'est le monde de la liberté d'expression, le monde de la bande dessinée, le monde du rire, le monde de l'audace qui est attaqué par cette fusillade-là. J'ai participé à un comité de rédaction, moi, de chez Charlie Hebdo, ce qui fait que ça a rendu pour moi probablement cette étape-là encore plus douloureuse, parce que j'ai, même si c'était pas les mêmes locaux où s'est passé l'attentat, j'ai quand même vécu le dynamisme alentour de la table. J'ai vécu comment les choses se passent. J'ai rencontré ces gens-là. J'ai rencontré Luz, j'ai rencontré Riz, j'ai rencontré Tignouf, j'ai rencontré... j'ai eu de longues discussions avec Cabu. J'ai passé une demi-journée avec Philippe Val à parler de Charlie Hebdo, à parler de liberté d'expression. Et justement, on était là, nous, pour parler de cette caricature de Cabu qui avait soulevé, qui avait soulevé l'ire, qui était c'est difficile d'être aimé par des cons. Le magazine avec lequel ils sont allés en cours, ils étaient encore en cours quand nous étions présents. Mais ce qui m'avait touché, c'était c'est l'antre de l'intelligence qui est Charlie Hebdo. C'était l'ébullition c'était des esprits qui chauffaient, des esprits qui voulaient réfléchir sur la réalité, qui étaient, oui, ils étaient durs, oui, ils étaient sarcastiques, mais c'était des personnes d'une gentillesse, extraordinaire. Écoute, j'étais assis avec Cabu et j'avais l'impression que je parlais avec un jeune homme de 18-19 ans c'était en 2010, donc quand il en avait encore déjà 70. C'est Philippe Val était quelqu'un qui, on l'a vu récemment, est outré et détruit par cet événement-là. On le voit comme une personne, on le voit aujourd'hui comme une personne qui a beaucoup de tristesse, qui est dans la douleur, mais qui est une personne qui a énormément d'énergie, énormément de poigne. Et ces gens-là faisaient vraiment par l'absurde, un combat contre l'absurde et un combat contre les idées et les idées connes de mouvements de droite. C'était des gens qui étaient antiracistes. Et ça m'a tellement touché quand cet événement-là s'est passé, parce que peut-être ça me touche personnellement. Pour moi, Cabu était maintenant presque un ami, parce qu'on communiquait une fois de temps en temps ensemble par courriel. Philippe Val, par deux reprises, quand il est revenu au pays, m'appelait pour aller faire une activité. Donc j'étais resté un peu proche et un peu près de Charlie Hebdo, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais le goût de partager ça avec vous, là, parce que un, ça me fait du bien, et parce que deux, on commence à entendre des commentaires où on se dit, bon, ben, pas ils ont couru après, mais ils étaient sévères. Il y avait la violence du dessin. Mais est-ce que tout ça vaut aujourd'hui la peine capitale ou est-ce qu'on aurait dû mieux écouter leur critique et se rendre compte que vraiment il y a un danger à l'arrière de l'extrémisme qui est dans les extrémismes de pensée, là. Et c'est beaucoup, en fait, la force de la caricature, la force du dessin, la force de prise de position par l'humour, par le rire, qui a été mise de l'avant aussi à travers tout ça et qui a été un peu réclamée à travers la campagne « Je suis Charlie », donc la notion de liberté d'expression qui est liée un peu à toute cette réflexion-là. Oui, je pense que c'est important, puis je crois aussi que ça peut sembler c'est un drame, il y a des gens qui ont été tués, mais on peut sentir que la caricature ou qu'un journal satirique comme Charlie Hebdo n'est que de la provocation, mais c'était des gens qui vraiment avaient l'être humain et l'intelligence humaine à cœur et qui voulaient éveiller les esprits et qui voulaient provoquer des réflexions sur les choses. Ce qui me fait mal un peu aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'enfin les gens se regroupent et réfléchissent, mais une fois que le drame a eu lieu, mais tout ce qu'ils mettaient en page avant, tout ce qu'ils mettaient en caricature avant était pour avoir justement cette réflexion-là qu'on n'a pas eu. On a peut-être passé à côté de quelque chose. Cabu était un auteur, était un caricaturiste extraordinaire, là. Charb était incisif de façon spectaculaire. Tignus était un méchant garçon avec un esprit incroyable. C'était des génies qui étaient à l'intérieur de cette maison-là. Et je trouve ça épouvantable qu'on ait comme ça été assassiné la liberté d'expression et les meilleurs, quoi, dans ce monde-là. Oui, ça fait penser un peu à la caricature qui a circulé justement en réaction au flot d'images où finalement c'est un des auteurs qui s'est mis en scène en disant ben voyons c'est quoi c'est cette redite là ah, le crayon avec le sang, le crayon dans le Kalachnikov, etc. Mais où ils sont partis, il y a pas de meilleur caricaturiste que ça en France, on n'a pas finalement pour réaliser qu'on a peut-être perdu les meilleurs. Oui, puis les meilleurs, puis écoute une anecdote. Pour te dire quel esprit régnait chez Charlie Hebdo, moi je participe à ce comité de rédaction là. On discute. C'est une époque où Chirac va s'en aller dans le sud pour aller se retirer un peu probablement avec l'argent de l'État. Philippe Val est là. Bernard Maris est là aussi, qui est quelqu'un avec qui tu peux avoir des discussions sur n'importe quoi. Là, c'est des gens de grande culture et ils vont tout mettre leurs dessins au tableau et puis tranquillement. Le comité, ensemble, vont décider celui-là non, et on va retirer des dessins tranquillement jusqu'à ce qu'il en reste trois. Quand il en reste trois, les gens font un argumentaire. Bon, moi, je préfère lui ou lui. Et à un moment donné, pour clore la discussion, Philippe Val me demande, et toi, Stéphane, lequel dans tout ça tu préfères? Donc, j'étais juste là comme observateur, comme quelqu'un d'extérieur, et on m'a impliqué dans la prise de décision éditoriale de ce numéro-là. Et puis, à un moment donné, j'ai donné mes impressions, j'ai donné ce que je pensais avec toute la fébrilité que j'avais, la gêne que j'avais. Je veux dire, et je devais critiquer un dessin de Luz, un dessin de Tignouf et un dessin de Cabu, là. Fait que c'est pas n'importe quoi. Et à un moment donné, Philippe Val enlève les trois dessins puis il dit aux gens, OK, faites-le au propre. Mais il dit pas lequel va être à la page couverture du Charlie Hebdo, parce que deux des dessins, les trois dessins vont être rejetés, mais vont être mis à la page à la page du dos du magazine en expliquant quelles étaient les autres pages couvertures. Et ensuite, celles qui ont choisi vont être à la page couverture. Et c'est en allant dans les kiosques à journaux le surlendemain que là, je regarde les journaux et là, je vois le dessin que j'avais choisi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Là, j'ai participé à la page couverture d'un Charlie Hebdo. Fait que tu vois, c'est des gens qui se prennent au sérieux, oui, mais ils sont dans la collectivité, ils sont dans l'ouverture d'esprit, ils sont dans l'inclusion de tout le monde. Donc, j'ai trouvé ça atroce, vraiment. Stéphane Gravel, merci pour ton témoignage. Mais ça me fait plaisir. Et je rappelle aussi parallèlement que le prochain Charlie Hebdo va sortir. En fait, d'ailleurs, il y a un bel article du côté de Libération qui a été publié aujourd'hui concernant justement la première rencontre de rédaction qui a eu lieu un peu plus tôt ce vendredi. Et donc, il comptera 8 pages au lieu de 16, certes, il paraîtra 1 million d'exemplaires le 14 janvier prochain. Et parallèlement, j'en profite aussi pour mentionner que le Festival de la bande dessinée d'Angoulême, en réaction à cet événement, a créé un nouveau prix, le prix Charlie de la liberté d'expression. Et on dit, et je cite, « Ce prix cessera d'être remis le jour où tous les dessinateurs du monde pourront s'exprimer librement. C'est dire qu'il a de l'avenir. Un prix qui sera décerné chaque année à un dessinateur de presse ou de bande dessinée qui, selon le jury, ne peut pas exercer son métier en toute liberté. » Alors voilà, hommage donc et regard et rappel à tout ce qui s'est passé du côté de Charlie Hebdo un peu plus tôt cette semaine. Vous êtes à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs, vous pouvez trouver toutes nos émissions en balado-diffusion sur notre blog lavieenbd.wordpress.com. Et j'ai le plaisir d'accueillir un collègue de CKRL que vous entendez peut-être si vous êtes un auditeur régulier ou occasionnel aux matins éphémères ici à la station, qui critique et qui commente l'univers de la bande dessinée. Pierre Blais, bonjour. Hey, salut Raymond. Et Pierre Blais, j'avais envie, comme d'habitude, je pense que ça devient une tradition après oui, quelques années. Ça fait 3-4 ans, que 3 ans? Exactement. Oh, c'est ça, oui. Oui. Et donc, de voir un peu qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans la bande dessinée cette année. C'est quoi tes coups de cœur dans le fond 2014? Tu me fournis une petite liste et j'ai envie qu'on se lance tout de suite oui, avec un album qui est presque un incontournable. Je pense que c'est le 4e tome d'une grande série, Blast. Oui, Blast de Manu Larcenet. Larcenet a concocté une série qui est formidablement scénarisée et formidablement illustrée. On le connaît pour ses touches d'humour, pour aussi le combat ordinaire où il y avait beaucoup de sensibilité de la part de Larcenet. Dans Le Retour à la Terre, beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui manie bien les deux. Dans Blast, il a été ailleurs du point de vue graphique, c'est-à-dire qu'il s'est réellement dépassé avec cette histoire d'un homme obèse, plus grand que nature, défait par la vie, qui va consommer des drogues, alcoolique fini, qui erre sur les routes de France, donc un SDF qui devient un sans domicile fixe. Et qui doit raconter à des enquêteurs en garde à vue parce qu'on le soupçonne d'un meurtre, doit raconter ce qui s'est passé. Et on apprend au fil des 4 tomes par bribes, justement, pourtant ce sont de gros volumes, ce qui s'est passé dans la vie de cet homme-là qui est complètement brisé. Le 4e tome vient clore cette série-là qui, à mon sens, est sûrement l'une des plus belles qui est parue en bande dessinée dans les 15-20 dernières années. C'est un monument, les 4 tomes de Blast. En fait, il faut les lire point à la ligne. Là, c'est... Oui, puis le 4e est pas moins bon que le 3e, le 2e ou le 1er. C'est un tout, puis ça clôt très bien cette série-là. Blast, c'est publié chez Dargaud. C'est Dargaud, je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai laissé chez moi, c'est Dargaud. Hein? Oui, exactement. Je me souviens bien. Et ça montre bien, parce que souvent, effectivement, arrivé à un certain point, là, une série, des fois, s'essouffle, mais celle-là, non, c'est vraiment, c'est cohésif, c'est complet. C'est un must. Une histoire sombre, il n'y a pas d'humour là-dedans. Ceux qui aiment les histoires policières, les drames sociaux, les drames humains, Blast, 4 tomes de Manu Larcenet. Et de toute façon, le rire, on peut le trouver dans d'autres albums. Oui. Et d'ailleurs, notamment dans un de tes choix, le best-seller des fruits de Zviane, vraiment. Ouais, ça, c'est cocasse. On peut pas ne pas se bidonner en disant ça, là. Faut dire que j'aime beaucoup Zviane. Elle s'améliore souvent de recueil en recueil. Elle navigue aussi dans différents genres. Même si on reconnaît son humour, si on reconnaît son dessin, elle ne refait pas d'une œuvre à l'autre la même bande dessinée. Et là, anecdotiquement, aux éditions de La Pastèque, elle nous offre le bestiaire des fruits, et c'est tout bonnement son amour pour les fruits exotiques. Donc, chaque page, elle nous fait découvrir un durian, un kiwi, un autre fruit connu ou méconnu qui nous vient d'ailleurs. Elle nous explique ce que ça goûte, dans quel contexte elle l'a essayé, comment on peut l'apprêter. Puis, elle nous fait un peu son palmarès. Elle nous dit en quoi ce fruit-là est intéressant ou non, comment le trouver, ses origines et tout ça. Bref, c'est amusant, c'est instructif, c'est pas prétentieux pour deux sous, puis on lit ça, puis on n'a pas le goût de s'arrêter. Qu'on goûte un jour ou l'autre ces fruits-là, qu'on n'y goûte pas, moi j'ai pris un plaisir immense. Réellement, c'est du bonbon. En fait, c'est la capacité de mettre en anecdote, j'ai l'impression, c'est avec beaucoup de finesse et d'intelligence. Avec, variété, il n'y a pas une anecdote qui se ressemble, il n'y a pas une séquence qui se ressemble. Moi, je m'attendais à rien. Je me dis, bon, elle fait ça un peu par la bande. Puis finalement, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire Le bestiaire des fruits de Ziviane. Un album de ce que j'ai pas eu l'occasion de lire encore. C'est un peu aussi pour ça que j'aime bien les petits partages qu'on fait à l'occasion. Zombie Nécrologie. Ah, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est une série qui est comme Walking Dead. C'est une série française. C'est de Perru et Bétrimo dans le cas du dernier tome, parce que là on est dans, comme on dit en anglais, un spin-off. Donc je vous mets la table pour Zombie. C'est une série en plusieurs tomes. Il y en a 4 qui sont parus aux éditions Soleil. Je vous parle du 5e. Ça se déroule aux États-Unis et il y a une épidémie de zombies. Donc il y a quelque chose qui a infecté la race humaine. Et ça va beaucoup se dérouler, cette série-là, les 4 tomes, dans le nord-ouest des États-Unis. Donc Seattle, Portland, cette région-là. Plutôt que comme Walking Dead où on est dans le sud des États-Unis, la Géorgie, Atlanta. Et ce qui est amusant dans Zombie, même si c'est pas une série humoristique, c'est que l'un des personnages forts des 4 premiers tomes, c'est un Québécois qui a survécu, qui est une vedette de cinéma à l'échelle mondiale. OK. C'est comme d'où ça sort. Hein? Bon, moi, ça me fait rire. Cela dit, c'est une série sérieuse et dramatique. Et le nouveau tome qui vient de paraître, qui est un spin-off, donc c'est une série qui est dérivée des premiers tomes. Ça s'appelle Zombie toujours, mais Nécronologie. Okay. Le tome 1, Les Misérables, toujours chez Soleil. Et cette fois-ci, on nous raconte ce qui se déroule en France. Donc, Paris est envahi par les zombies. Les dignitaires politiques se sauvent. Ce sont des pleutres. Ils se sauvent. Et là, on va nous raconter l'histoire d'un homme de main, justement du président, qui prend ça en charge et qui va être amené à venir à vivre toutes sortes d'aventures. C'est encore une fois fort bien dessiné. J'adore les séries apocalyptiques et c'est brillant, c'est intelligent, c'est bien fait. Si vous aimez Walking Dead, Zombie, pour moi, c'est la même qualité. Et même plus, je te dirais, on est en début de série. Donc, Walking Dead qui s'étire par moments dans certains tomes. Jusqu'ici, dans la série Zombie, on n'a peut-être pas ce phénomène-là, puisqu'elle est plus récente. Oui, puis on a peut-être un peu moins rattrapé si on commence aujourd'hui. Oui, moi, j'avais commencé Walking Dead, je pense qu'il y avait 12 tomes de lancer, quelque chose comme ça. T'as ta petite montagne à côté qui continue de grandir. Là. Effectivement. Memphis 2. Oui, ça c'est... Tu sais ce qu'on peut appeler les plaisirs coupables? Oui. La série qui ne renouvelle rien, qui joue dans les, je te dirais, soit l'Uchronie, la dystopie. Moi, c'est des thématiques que j'aime beaucoup. Et dans Memphis, c'est de Rodolphe. Rodolphe a participé à des séries avec Léo, et c'est aussi de Marshall. Donc, Rodolphe et Marshall, chez Glénat, le deuxième tome vient de sortir. On se retrouve avec des journalistes qui travaillent à Memphis, la ville d'Elvis, aux États-Unis, Memphis, Tennessee. Et eux, ils s'aperçoivent du jour au lendemain, ils font des enquêtes et ils disent toi, parce qu'ils ont quoi, 30 ans? Toi, est-ce que t'es sorti de la ville de 30 ans? T'es-tu sorti de la ville? Ben non, moi, pourquoi j'irai en vacances ailleurs? J'adore la ville de Memphis, on y travaille ici, on a du plaisir, nos amis y vivent. On pourrait peut-être essayer de sortir de la ville. Moi, je suis jamais sorti, puis je me suis jamais posé la question. Ils essaient de sortir de la ville, mais ils ne peuvent pas. L'auto tombe en panne, arrivé aux limites de la ville. Mm-hmm. Et ils vont s'apercevoir que il y a un manque évident d'histoire à Memphis. Les vieilles photos sur ce qu'était Memphis à l'époque n'existent pas. C'est pas la même chose. C'est dur à trouver. Donc, en deux tomes, on est dans le complot. Et si on ne vivait pas la vraie vie, si on était dirigé par des gens qu'on ne voit pas, mais qui ont mis sur pied la ville de Memphis, et dans laquelle on est comme dans une sorte de laboratoire tel des rats, d'où on ne peut pas s'échapper. Ça peut faire penser un peu le film avec Jim Carrey, Truman Show. Oui, exactement. On est là-dedans, mais à Memphis, Tennessee. OK. La ville d'Elvis. C'est réussi, c'est bien... c'est bien ficelé. Le problème avec une série comme celle-là, c'est évidemment la chute. En combien de tomes ça va se terminer? Vers quoi on... Ça commence bien, mais on sait pas comment ça va finir. Exact. Ça, c'est le danger, mais... pour ceux qui aiment ce genre d'histoire-là, moi, j'ai énormément de plaisir à lire Memphis. Et des fois, il y a un deuxième tome qui vient avaliser un bon sentiment qu'on avait au premier. C'est le cas du tome 2 de Promise, entre autres. Exactement. T'amènes ce deuxième tome qui est formidable aussi. Et ça, il y a un volet québécois là-dedans, parce que celui qui dessine, il habite à Québec. Michael avec un K, c'est publié chez Glénat. Et ça, on sait, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que c'est un triptyque. Mmh. Donc, on sait qu'au troisième tome, ce sera la finale. Ça s'éternisera pas en 12-15 tomes. Promise, on se situe autour de la guerre de sécession aux États-Unis, dans la ville de Promise. Et on est avec une femme et son mari et leur fille. Ils vont avoir des ennuis. L'homme va disparaître. La jeune fille part à sa recherche, va tomber sur un Amérindien qui va l'aider à essayer de retrouver leur père, mais qui a été assassiné par un pasteur qui s'en vient dans cette petite ville-là pour la prendre en main, finalement. Mm-hmm. Elle va tomber sous son joug. Et c'est une série d'horreurs, une série d'ambiances, une série maléfique du combat entre le bien et le mal qui se situe au 19e siècle. Moi, ça me rappelait, en termes de série télé, Carnivalé. Je sais pas si t'es tombé là-dessus. L'incarnation du mal qui est jouée par un pasteur m'a rappelé cette série-là. C'est fort bien dessiné, c'est bien mis en scène, et la série, elle nous en donne juste assez pour qu'on se dise, mais vers quoi on se dirige? Oui, puis les ambiances sont fortes, les personnages, ça marche. Et là, le dessin, il faut le dire, on est presque à la limite, c'est sépia, noir et blanc. Il y a pas de couleur là-dedans, ou si peu, et ça crée immédiatement une ambiance. Ma foi, c'est du bonbon, dans ce cas-là aussi. Oui, effectivement, fait superbe série qui figure aussi dans mes coups de cœur, et je pense qu'on se rejoint sur certains titres, Pierre, et notamment un autre que tu m'as listé dans ta sélection. Mm-hmm. Le premier album de Derf Back Derf, en fait, Punk Rock and Mobile Homes, qui avait sorti en anglais avant Mon ami Damer, qui était dans nos coups de cœur l'année dernière. Et Mon ami Damer, c'est parce que lui avait été à l'école avec un tueur en série, Jeffrey Dahmer. Il racontait cette histoire-là, sa jeunesse. Encore là, on sent qu'il y a une part d'autobiographie dans Punk Rock Mobile Homes, où on se retrouve à Akron, en Ohio, petite ville au début des années 80, où on est avec des adolescents qui ont quoi, 16-17 ans, qui commencent à sortir dans les bars, qui ont une libido, mais réellement explosive, mais surtout un amour pour la musique punk et alternative de l'époque, du type Devo, Ramones. Et tous ces groupes-là vont aller, c'est ça qui rend l'histoire intéressante, c'est que c'est une histoire vraie qu'on connaît mal, parce que quand on pense aux petites salles comme les Foufounes électriques, mm-hmm, à Montréal, nous on connaît un peu celle de New York, le CBGB's aussi qui est mythique, mais dans le coin de Akron en Ohio, on savait pas ce qui se passait là. Et on va nous raconter l'histoire d'une petite salle de spectacle qui remplissait, justement. Le bar était rempli, il faisait venir tous ces groupes marginaux-là du début des années 80 sous l'œil d'adolescents qui découvrent la vie d'adulte, qui découvrent les sorties, la musique et je te dirais, les filles. Donc, c'est tout ça qu'il y a là-dedans. Puis c'est drôle, c'est amusant. Ça ressemble à toutes les bandes dessinées américaines qui sont du courant de, nommons-les, Daniel Klaus, mm-hmm, Robert Crumb. On est dans le côté aussi amusant que parfois un peu pathétique, avec des personnages qui sont plus souvent qu'autrement des perdants, des joyeux perdants, puis attendrissants également. Oui, puis c'est un parcours initiatique, d'une certaine façon tout aussi. Tout à fait, exactement. Ça, c'est publié chez Ça et là. Et dernier titre, Technique du Périnée. Oui, ça, c'est... moi, j'avais beaucoup aimé La Grande Odalisque, oui, qui était de dessinateur que t'aimes bien. Bastien Vivès, qui avec est prolifique. Rupert et Murdoch. Peut-être trop. Et Rupert et Mulot, eux, ici, nous livrent, ses collaborateurs, chez Air Libre, une histoire, une BD adulte dans tous les sens, même si c'est pas une BD érotique, loin de là, mais on aborde l'histoire d'un c'est un artiste. Il voudrait bien présenter une nouvelle exposition. C'est JP. Il fait du cybersexe. Et il rencontre Sarah par l'entremise, justement, d'une sorte de Skype, de site de rencontre. Et là, il y a une amie de fille qui dit, mais voyons donc, qu'est-ce que tu fais sur ces sites-là? Il s'en cache pas. Et il tombe en amour avec Sarah, mais virtuellement. Ils font l'amour à distance. Ils font du sexe à distance, mais ils finissent par vouloir se rencontrer. Et c'est là que ça se passe aussi bien que mal. Parce que on va toucher dans cette relation-là entre les deux personnages à l'abstinence, au sexe débordant, au tabou, au sexe en marge. Et tu vois la couverture? Oui. Eh ben, as-tu l'occasion de la lire d'ailleurs? Non. La couverture nous rappelle justement les petites soirées intimes dans Eyes Wide Shut. Et on est un peu là-dedans, avec de l'humour, avec de la tendresse, à parler de sexe, à ne pas trop le montrer. Donc, je vous disais, c'est pas une bande dessinée érotique, mais c'est fait intelligemment. bien dessiné. Puis moi, j'aime ces histoires de couple-là ou ces histoires d'amour un peu tordues, mais qui nous ramènent à une certaine solitude chez les 30-40 ans où on a de la misère à se mettre en couple, on a de la difficulté à faire durer des relations. Dans certains cas, je ne généralise pas, mais c'est un thème qui est abordé, notamment chez Ricardo Trogi, ici au Québec, au cinéma, mais en bande dessinée aussi, où on semble se chercher, on semble chercher l'amour, et où la communication entre gars et filles n'est pas toujours évidente. La technique du périnée, publiée chez Libre de Rupert et Mulot. Mais Pierre Blais, donc chroniqueur BD ici à CKRL au Matins éphémères, merci beaucoup pour tes coups de cœur 2014. Ciao, bye. À la prochaine. Et nous, on prend une pause à venir. Les coups de cœur de Jean-Dominique Leduc et de Michel Giguère. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Pour une troisième année, la Ligue québécoise l'Impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 18 janvier 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Ce vendredi, en plus du gros lot évalué à 50 millions, l'Automax offre environ 2 chances additionnelles de gagner des lots de 1 million avec les Max Millions. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Deux jours, une nuit. Le jeu de l'imitation. Les 2014 Lions de Cannes. Les rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec présentent Ruse ou traité et Vice caché. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation, Deux jours, une nuit. Les 2014 Lions de Cannes, les aventuriers voyageurs présentent Corse. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est KRL. Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Je vous rappelle également, si jamais vous voulez nous suivre, c'est possible de le faire sur Facebook, donc facebook.com/La Vie en BD. Et on poursuit avec ses regards sur 2014 avec des coups de cœur. Donc après ceux de Pierre Blais, eh bien, on entendra maintenant ceux de Jean-Dominique Leduc qui lui est entre autres chroniqueur BD pour le journal Les Libraires et le journal de Montréal, également éditeur aux éditions Mémoire. Jean-Dominique, bonjour. Ben, bonsoir Raymond. On commence peut-être immédiatement la liste, tes sélections 2014, Sex Criminal. Alors c'est une série américaine éditée par Image Comics. Image Comics qui dans les années 90 avait fait ses débuts avec un fracas, c'est-à-dire que 6 dessinateurs vedettes de Marvel avaient quitté afin de partir leur propre ligne de super-héros. Si à l'époque c'était du super-héros assez inintéressant, force est de constater que ces dernières années, Image Comics a su vraiment se réinventer et aller du côté alternatif. Et pour moi, Sex Criminal, c'est l'incarnation de la force de cette maison d'édition-là. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Sex Criminal? C'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre à son adolescence que lorsqu'elle atteint l'orgasme, est capable d'arrêter le temps. OK. Elle croit qu'elle est la seule au monde à pouvoir faire ça jusqu'au moment où elle rencontre un homme de son âge qui lui aussi a découvert qu'il était capable d'arrêter le temps lorsqu'il atteint l'orgasme. Elle travaille pour une société humanitaire, lui travaille pour une grosse banque, une grosse corporation qui a refusé un prêt à cette jeune fille-là. Lui en a marre de son travail, donc ils décident de tous les deux de se venger, font l'amour dans une salle de bain de la banque, braquent la banque, se disant on est les deux seuls au monde à pouvoir faire ça, mais malheureusement ils tombent sur une police du sexe et donc d'autres héros qui dans ce monde parallèle là voient à ce que tout se passe bien. Donc ils abordent la sexualité d'une façon assez inédite avec, il faut le dire, beaucoup d'humour, beaucoup d'inventivité. On n'est jamais dans le scabreux ni dans le vulgaire. On ne voit pratiquement rien, jamais. C'est une série qui, en 2014, a remporté les prix Eisner et Harvey de la meilleure série. C'est une série aussi qui sort sur une base mensuelle en comic book, qui connaîtra seulement 10 numéros, bout duquel sera produit une intégrale. Ce qui est très, très intéressant aussi lorsqu'on le suit mensuellement, c'est le courrier des lecteurs, c'est-à-dire que les deux auteurs, donc Chip Zdarsky, qui est un journaliste torontois et qui est aussi l'illustrateur de la série, et Matt Fraction, le scénariste, s'amusent à répondre à leur lectorat. Donc, c'est vraiment une lecture rafraîchissante et aussi assez déstabilisant, et ça fait du bien de lire ça, vraiment. Et sinon, Jean-Dominique, dans tes coups de cœur 2014, tu m'as sorti aussi plusieurs titres québécois, notamment un qui est d'ailleurs en sélection patrimoine du côté d'Angoulême 2015, Gilles de la Jungle. Oui, d'ailleurs, c'est une très belle nouvelle, parce que c'est une série patrimoniale ici au Québec, série qui est née dans le magazine Titanic, donc la revue sœur du magazine Crow, en 1983, donc une revue qui se destinait entièrement à la création de bandes dessinées québécoises. C'est une revue qui a duré le temps de 12 numéros, donc un an seulement, mais qui a permis à Red Ketchup de débuter sa propre série, et donc Gilles la Jungle. Gilles la Jungle, c'est un espèce de clin d'œil au roman photo italien des années 70, ultra kitsch. On est dans de l'humour qui est très, très propre à la fin des années 70 et début des années 80, donc un humour absurde à la Paul et Paul, barre oblique, ding et dong. C'est un aventurier qui, finalement, vit des aventures malgré lui. C'est vraiment un taré, là. C'est un... Comment je pourrais dire? C'est une espèce de Tarzan taré. Ouais. Et c'est d'un point de vue pictural, c'est magnifique. Donc, il y a vraiment un contraste entre le ton résolument absurde et le trait vraiment fouillé, dense de Claude Cloutier, l'auteur. Et ce qui m'a fait beaucoup plaisir cette année aussi, c'est lorsque Yves Frémion, journaliste au Monde, a écrit que Gilles la Jungle était une série digne de Fluide glacial. Quand même. Bon, on en profite, hein, on a le droit d'être chauvin une fois de temps en temps, et j'étais tout à fait d'accord avec M. Frémion. C'est vraiment un bijou. Et de savoir aussi qu'il est reconnu dans la sélection patrimoniale du Festival Angoulême, ça fait vraiment plaisir à voir. Parce que c'est une excellente série qui, vraiment, malgré sa trentaine d'années, n'a pas pris une seule ride. Et sinon, autre série qui est un peu dans l'observation, presque à caractère anthropologique, on pourrait dire, du côté de Montréal, Richard Suicide, qui est revenu à la BD aux éditions Papa avec Chronique du Centre-Sud. C'est un excellent album. C'est vraiment, moi, un de mes coups de cœur de 2014. Richard Suicide est un des piliers de la contre-culture de la fin des années 80 à Montréal, notamment avec Henriette Valium, Julie Doucette, Marc Tessier, Simon Bossé et compagnie. Donc, un des porte-étendards du fanzine, de cette culture de l'immédiat, du trash, de l'émotif. Et donc, ce qu'il faut savoir de Richard Suicide, c'est qu'il a très, très peu publié au cours de sa carrière de vrais albums. Enfin, il a surtout donné dans le fanzine, somme toute. Là, oui, c'est... voilà. Et le fanzine est sa beauté, mais aussi la tristesse du fanzine, c'est qu'il est éphémère, donc il ne survit pas très, très longtemps. Au niveau de la carrière de Richard Suicide, c'est le troisième album depuis la fin des années 80. C'est un artiste important, c'est un artisan important qui nous arrive enfin avec un album inédit, mais aussi magistral, comme vous le disiez, Raymond, une étude anthropologique d'un quartier, le Centre-Sud, donc un quartier qui s'est beaucoup transformé ces 20 dernières années. J'ai habité ce quartier-là il y a 25 ans. C'est un espèce de témoignage. C'est aussi une lettre d'amour à ce quartier qui était jadis tout croche et peuplé de personnages plus grands que nature, oui, mais qui s'est gentrifié beaucoup depuis. Et c'est un regard qui est jamais mal à l'aisant non plus. On n'a pas l'impression que les personnages qu'il observe sont le dindon de la farce et qu'on rit d'eux. On les observe, on les côtoie, mais dans le respect, en fait, il réussit à trouver la ligne précise. Et c'est pour ça que j'utilise vraiment lettre d'amour. C'est que c'est pas un artiste qui pose un regard de haut sur un quartier. Au contraire, c'est un quartier que Richard Suicide habite toujours. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi du point de vue anthropologique de la bande dessinée québécoise, c'est que les deux personnages principaux, ce sont donc Richard Suicide, mais aussi l'auteur Cyrus, qui est un piliers aussi de la contre-culture de la fin des années 80. Et donc, de voir ces deux amis-là qui ont vraiment cohabité ensemble, qui ont été voisins de palier, en fait, de les voir vivre des espèces de non-aventures dans un quartier loufoque, c'est vraiment une lecture très, très prenante, mais aussi très généreuse du point de vue graphique, parce que, bon, Richard Suicide a une signature assez particulière, et c'est magnifique, mais comme je le dis moi-même, je considère que c'est magistral. Donc vraiment, c'est du beau travail, et bravo aux éditions Parpart aussi, je considère qu'il commence aussi à toucher le côté patrimonial de la bande dessinée québécoise en permettant de publier un auteur de la stature de Richard Suicide. Et dans un tout autre registre, mais qui est aussi un regard peut-être sur une petite ville, d'une certaine façon, qui est très généreux graphiquement aussi, Magasin Général, le dernier tome, donc la série s'est clos en 2014. Oui, et j'ai fait l'exercice, Raymond, de m'enfermer dans mon bureau et de lire les 9 tomes, un à la suite de l'autre. J'ai pris la journée complète pour lire la série. Et je pense qu'ultimement, c'est comme ça que doit être lue cette série. Parce qu'on entre, on se laisse porter par un rythme très, très particulier qu'ils installent. Et ces personnages-là viennent directement nous toucher au cœur. Alors qu'on a l'impression, lorsqu'on lit ça spontanément et à travers le temps, qu'on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Une fois qu'on est en complète immersion, on se rend compte qu'en fait, tout est dans la nuance. On nous présente un village, comment je pourrais dire... une certaine uchronie, un village uchronique des années 20 du Québec, mais en fait, ça pourrait être un village de partout, à n'importe quelle période de l'histoire de l'humanité. En fait, ce sont des êtres qui tentent de faire face à l'arrivée de la modernité. Et c'est vraiment, vraiment... comment je pourrais dire, c'est comme une tasse de chocolat chaud pour l'âme que lire ça. Moi, je dois vous avouer qu'en grand sensible, à la toute fin, j'ai versé quelques larmes. Il faut aussi saluer le travail de colorisation. Oui. De M. Lapierre, qui est... Quand on voit les originaux, quand on voit les planches avant coloration, ce sont de superbes belles planches. Régis Loisel et Jean-Louis Tripp ont fait un travail admirable, ça va de soi. Mais le travail de François Lapierre, il est exemplaire. Vraiment, c'est un tour de force et on ne peut que saluer cette aventure-là, surtout qu'on vit à une époque maintenant où les séries n'existent plus. C'est-à-dire que dans le monde actuel de la bande dessinée, où on est en surproduction, il est rare qu'une série maintenant franchisse le cap du troisième tome. Donc, je pense qu'il faut saluer cette décision-là de Casterman d'avoir permis à la série de vivre le temps qu'elle avait dont elle avait besoin. Et j'ai envie d'ajouter aussi, Jean-Dominique, oui. de permettre à des albums, je pense à Charleston, où il se passe presque rien. Oui. Au bout du compte, c'est des albums d'ambiance aussi, donc de vraiment permettre aux auteurs d'avoir ce rythme-là qui est extrêmement particulier et qui est peu commun dans la série BD d'aujourd'hui, somme toute, là, dans ce type d'album-là, dans ce format-là. Ah oui, évidemment, la nature même d'un 48 pages couleur ou d'un 56 pages couleur, les artistes auraient jamais pu arriver à installer une telle ambiance en deux albums. C'est impossible. C'est impossible. Ils ont pris le temps et on leur a accordé le temps. Et si certains critiques ont souligné que l'éditeur étire la sauce pour engranger des revenus, ben, je trouve que c'était peut-être un peu malveillant de leur part, parce que lorsqu'on fait l'exercice de vraiment lire l'intégrale qui pour moi m'apparaît être comme un seul et grand roman graphique, Magasin Général, ça fait mentir tous ces gens-là qui avancent cette opinion-là. Et Jean-Dominique, en 20-25 secondes, oui. Vacances sans histoire de Franquin. Bon, Franquin, c'est un géant de la bande dessinée. Ce sont des rééditions de courts récits de Spirou, qui sont commentés par Jean-Louis Boquet et Serge Honorez. 5 tomes sont parus jusqu'à présent. Donc, en plus du court récit, on a la numérisation des planches originales, les dossiers. C'est une façon de revisiter le génie de Franquin parce que on ne s'y abreuve jamais assez. Voilà. Ben, Jean-Dominique Leduc, merci beaucoup de nous avoir partagé les coups de cœur 2014. Ben, merci, et à votre auditoire, de belles lectures en 2015 et peut-être un peu plus de paix et de chaleur humaine à l'âme. Oui. Et d'ici là, on continue de te lire, évidemment, donc du côté de Mémoire, du côté du Journal de Montréal, du côté des libraires, entre autres. À la prochaine. À très bientôt. Et nous, on repart en musique, toujours la sélection musicale qui nous accompagne au fil de cette émission. Il s'agit de Yoke, avec donc la pièce cette fois-ci, Eventide Thief. Et voilà, toujours à l'écoute de La Vie en BD. Dernière ligne droite, dernière série de coups de cœur. Et cette fois-ci, ben, c'est l'un de nos collaborateurs, donc animateur des rendez-vous de la bande dessinée à la bibliothèque Gabriel Leroy, également professeur de bande dessinée du côté de la Maison Jaune, Michel Giguère. Bonjour. Bonsoir, Monsieur Poirier. Et Michel, toi, tu as décidé de te lancer un défi, alors que d'autres y vont avec 6, 5, 7 albums. Toi, tu t'es dit, non, j'ai 12 minutes, je vais faire 12 albums. Ben, il y a 12 mois dans l'année. Non, je dis ça, puis c'est n'importe quoi, parce que ce sera même pas nécessairement des parutions 2014. Disons que j'ai pigé dans mes lectures de l'automne récentes, mais dans certains cas, c'est des trucs de 2013. Et on se lance immédiatement, parce que ça va être un marathon. Premier titre, la série Last Man de Balak, Slanville et Vivès chez Casterman. Série qui emprunte au manga le format, la thématique. Il s'agit d'un récit initiatique à travers de multiples épreuves, principalement des combats. C'est pas un thème exclusif au manga, mais très répandu. Et aussi, à certains égards, ça prend au manga son rythme. Mais cependant, pas l'esthétique. Donc, série qui, pour toutes ces raisons-là, peut constituer, je trouve, une belle passerelle à emprunter, tant par les inconditionnels de BD japonaise que de BD occidentale. Ça fleure bon, la série B. Et le trait délicat de Vivès fait merveille en noir et blanc. La fille de Christophe Blain chez Gallimard. Ben, la fille tient aussi de la série B, en cela que, comme Last Man, le récit semble être l'œuvre d'un préado libidineux et attardé qui carrément étale ses fantasmes sans complexe, sans s'enfarger dans les lignes du tapis ni dans les lignes de son crayon. Et ça donne un récit plein de liberté, d'onirisme, d'Amazon en moto, de cow-boy, de sexe, de drogue et de rock'n'roll. Non, en fait, pas de rock'n'roll, c'est plutôt de la chanson française. Oui, parce que il y a un CD qui accompagne le livre, donc il y a le texte intégral qui est lu par une comédienne, auteur, compositeur, interprète, qui émaille la lecture du texte de chansons de son cru. Et c'est un livre, vraiment un document vraiment plein de dimensions hybrides à plus d'un égard, parce qu'en plus, il y a des segments de BD, il y a des illustrations, du texte en prose, et surtout, c'est visuellement très fort. À lire et à écouter si vous aimez le disque Mélodie Nelson de Gainsbourg, d'ailleurs. Prochain titre, « Vois comme ton ombre s'allonge » de JP chez Futuropolis. Une autre lecture qu'on peut qualifier d'expérience singulière, car JP, fleuron de la nouvelle BD italienne, nous ballotte d'un niveau de narration à l'autre, nous déroute d'une époque à l'autre et nous secoue d'une esthétique à l'autre. Alors, lecteur, essaie pas de comprendre. Débranche ton analyse cartésienne pour te laisser porter par l'ambiance, l'émotion, les beaux dessins de JP. Et c'est comme ça que l'œuvre prend tout son sens. Autre, qui est parmi d'ailleurs plusieurs palmarès de 2014, Les vieux fourneaux de Lupano et Covet chez Dargo. Si vous aviez été charmé par les petits ruisseaux de Rabaté, eh bien, vous savez d'ores et déjà que les petits vieux mis en case, c'est tout sauf plate. Alors, vous serez conquis par ces trois vieillards-là, impayables, irrévérencieux, qui prennent la route à la rencontre de leur passé militant et amoureux. On passe au cinquième titre, Une nuit à Rome, le deuxième et dernier tome, c'est une série de Jim chez Bambou. Eh bien, un autre tour vers le passé. Lors de son 40e anniversaire de naissance, Raphaël reçoit par la poste une vidéocassette, vieille de 20 ans, évidemment, c'est une vidéocassette, où on le voit au lit avec son amoureuse de jeunesse, se promettant qu'à telle date, l'année de leurs 40 ans, ils vont se retrouver à Rome pour y passer une nuit ensemble. Aujourd'hui, ben, Raphaël, il est en couple, il a plus vraiment l'âge des serments romantiques, et pourtant, il est terriblement tenté de céder à la tentation de vivre les grandes retrouvailles et le grand frisson. On passe à un album qui date de 2012, Lydie de Zidrou et Jordi Lefebvre, c'est chez Dargo. Ouais, ben il date un petit peu, mais il est passé inaperçu. Le Belge Zidrou est un des scénaristes les plus intéressants des 15 dernières années, à mon sens. Et l'Espagnol Lefebvre est maître dans l'art de créer des tronches expressives, de nous propulser comme ça dans le vieux cinéma français entre Arletty, Bourvil et Gabin, vous voyez le genre. Alors ici, on découvre une petite communauté, les résidents d'un cul-de-sac, en fait, qui s'appelle l'impasse du bébé à moustache. Des résidents qui se resserrent autour d'une jeune femme simple d'esprit qui est tombée enceinte et qui a perdu son bébé à l'accouchement. Le seul moyen qu'elle trouve pour surmonter son deuil, c'est le déni. Alors bientôt, c'est son père, veuf, et puis tous les voisins qui jouent le jeu et qui font semblant de regarder grandir Lydie, l'enfant virtuel. C'est candide et touchant comme Amélie Poulain. Mauvais genre de Chloé Kurchaudet chez Delcourt. Eh bien, de 1932, on recule jusqu'à la Première Guerre mondiale. Un déserteur, avec la complicité de sa conjointe, se cache des autorités en se déguisant en femme. Il va se retrouver piégé psychologiquement par son propre stratagème. C'est le genre d'histoire tellement invraisemblable qu'elle est véridique. Il y a des décors évanescents, une mise en scène époustouflante, pris du public à Angoulême. L'Astragale d'Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Richberg, d'après le roman d'Albertine Sarrazin, ça c'est chez Sarbacane. Eh bien, L'Astragale, le titre évoque sûrement aux éditeurs de plus de 50 ans le roman qui a sauvé Albertine Sarrazin de sa jeunesse chaotique en s'en inspirant, ou alors peut-être son adaptation cinématographique en 69. D'ailleurs, il y a un remake prévu en avril 2015. Mais là, attardons-nous à la version BD, une transposition en 200 planches d'un noir et blanc dépouillé, d'un souffle et d'une fougue parfaitement en phase avec l'esprit et aussi le destin de la jeune Anne. En 1957, elle s'évade de prison, se casse le pied. D'ailleurs, l'Astragale est un petit os du pied. Elle est aidée par Julien, dont elle s'amourache. Délinquance et romance. Et maintenant, on est rendu au 9e titre, ça va bien. Côté canadien, cet été-là de Gillian et Mariko Tamaki, c'est édité chez Rue de Sèvres. 310 planches au dessin formidable. Le scénario est indigent, mais c'est sa force parce que ça raconte l'été de deux adolescentes dans un village de villégiature, deux ados aux préoccupations futiles qui glandent et qui râlent. Mais la reconstitution de cet été-là, du souvenir des événements, de l'état d'esprit, de la perception des sens comme les bruits, les silences, le vent, l'eau, tout ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et on continue d'aller d'une année à l'autre, comme tu l'avais dit au départ, et pour ceux qui nous rejoignent, les sélections de Michel Giguère vont au rythme des lectures que tu as fait en 2014 et pas des parutions 2014, donc ça nous permet aussi des fois de retrouver des titres qu'on a peut-être échappés, il y en a eu quelques-uns dans la liste, et un autre qui avait été très apprécié, ça c'est l'année dernière, Annie Sullivan et Helen Keller de Joseph Lambert, qui est édité chez Ça et là en version française. Oui, donc Joseph, c'est pas Joseph Lambert, c'est vraiment un Américain. Oui, des fois je parle de trucs un peu plus vieux, mais moi je travaille pas en librairie, je travaille en bibliothèque, on a un petit délai. Alors, une autre amitié féminine, mais d'une singularité et d'une force sans pareille, celle qui unissait la petite Helen Keller, sourde, muette et aveugle, à la femme qui l'a arrachée à son état de petit animal sauvage, c'est-à-dire sa préceptrice, elle-même à moitié aveugle. Je parlais tantôt de la perception des sens, et cette BD-là nous plonge, à certains moments opportuns du récit, dans la tête et dans le corps de l'enfant handicapé. La totale sobriété du dessin puis des couleurs camoufle une puissance narrative peu commune. Prochain titre chez Glénat, Docteur Radar de Noël Simsolo et Bézian. Un savant fou dans les années folles, c'est fou longtemps, hein? Alors, il sévit en 1920, alors que les premières automobiles déposent des gentilshommes au chapeau melon et des sosiers de Louise Brooks devant des villas d'une modernité qui n'aurait pas pris une ride encore de nos jours. C'est une BD au dessin crayonné dans l'urgence, rehaussée de couleurs expressionnistes, qui va ravir les amateurs d'histoire de l'art, d'histoire de la mode, et aussi les amateurs d'Arsène Lupin, Rouletabille et autres fantomas. Et dernier titre de ce marathon de 12 titres que tu nous proposes dans ta sélection Coup de cœur 2014, une sortie toute récente cette fois-ci d'un auteur de Québec, Francis Desharnais, c'est La guerre des arts aux éditions Pow Pow. Des soucoupes volantes kidnappent tous les artistes de la Terre afin de revitaliser leur propre planète. Ça, c'est le synopsis. À ça, il faut ajouter que La guerre des arts est un exercice de style du genre qui réjouit et qui bientôt fait jubiler le lecteur qui daigne évidemment se prêter à l'exercice. Minimalisme de la mise en scène, humour décalé et pince sans rire, propre à Desharnais pour ceux qui le connaissent, cohérence de la proposition qui tient la route jusqu'à la dernière case, et par-delà l'aspect conceptuel, un véritable plaidoyer pour l'art et pour la culture. Voilà, 12 titres, 12 mois, comme tu le disais au départ. Et en même temps, peut-être que certains reconnaîtront certains styles, certains genres que tu as aussi explorés au fil de tes rendez-vous de la BD. Il y a quelques titres et j'ai l'impression qu'on faisait un peu des ponts vers certaines thématiques, justement, que tu nous as proposées l'année dernière. Oui, je chers auditeurs, Marcel m'avait demandé des trucs hors rendez-vous. Il semble ignorer que je lis à peu près 200 bandes dessinées par mois pour mes rendez-vous, puis j'ai pas le temps de lire autre chose. et d'ailleurs, en fait, j'ai une petite parenthèse, Michel, pour dire la prochaine fois qu'on va se revoir, ça va être justement pour en parler de ces rendez-vous-là, parce que tu as un anniversaire assez particulier que tu soulignes en février. Et j'espère le souligner de façon qui va paraître aussi particulière et même spectaculaire pour les gens, là. Ben oui, hey, ça fait 10 ans, toi. En fait, ça a commencé la première saison. On avait fait une rencontre en janvier, mais à partir dès l'année suivante, là, on a décalé ça en février. Mais donc, ça fait 10 ans pile. Et le mois prochain, ben, on fait une espèce de soirée. J'en dis pas trop parce qu'on va en reparler, là. Mais ça va être la totale. Alors, on en profitera pour le souligner de bonne façon cet anniversaire. Eh bien, Michel Giguère, d'ici là, ben, on parcourt donc ces titres que tu nous as proposés au fil des dernières minutes et on se dit ben, à très bientôt. Et bonne lecture à tout le monde. Merci. Salut, Raymond. Alors voilà donc Michel Giguère, je rappelle, animateur des rendez-vous de la bande dessinée à la bibliothèque Gabriel Roy. Et ben nous, à compter de lundi, on mettra en ligne là, sur le Facebook, donc facebook.com/laviembd, sur le blog laviembd.wordpress.com, on mettra en ligne les sélections, les titres et les listes qui ont été présentées au fil de l'émission d'aujourd'hui. Vous avez peut-être pas eu le temps de tout noter, alors ben ce sera sur le web lundi. Également, vous pourrez aussi aller vous promener sur mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. J'y mettrai aussi en courant de la semaine prochaine mes sélections personnelles que j'aurai le plaisir de vous présenter à compter de lundi prochain, de vendredi prochain sur les ondes. Et vendredi prochain, ben, avec nous, pour continuer ce partage de lectures incontournables, selon nous, de 2014, eh ben, il y aura Nicolas Fréret de canoë.ca et nos collaborateurs réguliers Marco Duchesne de chez Pantoute et le chroniqueur BD Stéphane Gravel. Alors voilà, donc ben, d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine sur les ondes du 89.1 CKRL. C'était Raymond Poirier au micro pour cette édition de La Vie en BD.